بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلسنا الخامس في دراسة التوحيد. Donc c'est notre cinquième assise autour de l'étude du monothéisme. Akhal Islam, yajibu alayka an ta'lam wa an tatayaqqan annahu la yumkinu an yasluha akhir hadhihi al-umma illa bima salaha bihi awwaluha. Donc nous sachions, frère en Allah Azza wa Jal, que rien ne peut faire le bien de cette communauté, de la fin de cette communauté, que ce qui a fait le bien du début de cette communauté. Et ce qui a fait le bien de la première génération de l'islam et des trois premières générations qui ont les éloges des Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, les éloges d'Allah, c'est ça qui fera, c'est leur voix qui va faire le bien de la fin de cette communauté. Que ce soit au niveau des croyances, ou là au niveau du comportement, ou là au niveau de la jurisprudence, ou au niveau des lois, à tous les niveaux. Il n'y a que leur voix qui ramènera le bien à la fin de la communauté. فيجب علينا أن نلزم الجادة وأن نكون على الصراط المستقيم في كل أبواب ديننا. Il faut que nous soyons sur la ligne droite, sur الصراط المستقيم, dans tous les sujets, dans tous les aspects de notre religion. Passons par le monothéisme jusqu'à le moindre détail dans cette religion. فما كثر الجدال في صفوف المسلمين المتأخرين إلا بسبب دخول عقائد فاسدة عليهم لم يكن يعرفها الصحابة رضوان الله عليهم ولا تابعيهم ولا من تبعهم بإحسان ليوم الدين. ولم يدخل الفساد على هذه الأمة إلا عندما ترجمت كتب الفلسفة اليونانية وكتب المنطق و أدخلت على عقائد المسلمين وعلى علوم الدين. سبحان الله عز وجل. Les polémiques n'ont apparu dans la communauté musulmane et des croyances, des fausses croyances n'ont apparu dans la communauté musulmane que depuis l'apparition et la traduction plutôt de la philosophie grecque, la philosophie grecque et latine. Et la logique grecque, etc. Quand il y a eu la traduction de ces sciences, c'est à ce moment-là qu'ont commencé les perturbations de l'esprit, et à ce moment-là qu'ont apparu les groupes qui ont dévié de la voie de leur plusieur, d'une grande partie qui a commencé à prendre ces sciences de la spéculation et à les immiscer dans les sujets les plus importants de cette religion qui est le monothéisme. Parce qu'à tel point, par exemple, si tu prends le Habashi, pour lui, la science du monothéisme, c'est la science de la spéculation. Et tout le fondement de cette religion, qui est le monothéisme, il le base sur la science de la spéculation. Ces livres sont là présents, à laquelle beaucoup d'hommes de science lui ont fait la réplique, il en ressort que tout le monothéisme vers qui il l'appelle, et comment il l'enseigne à ses disciples, il est basé sur la science de la spéculation. Il faut faire très attention, frère en Allah Azza wa Jal. فعلينا نحرص على ديننا وأن نتحرى أن نكون في ديننا متبعين لسلفنا الصالح رضي الله عنه. Faut qu'on fasse très attention à notre religion, à ce que nous croyons, Il faut que nous soyons dans ça, en fait, de nous cramponner à cette religion sur la voie de nos plusieurs doigts. Allah alayhi. أخ الإسلام إذا آمنت بربك عز وجل وأفردته بالعبادة وعلمت أنه لا إله غيره عز وجل أي لا معبود بحق غيره ووصفته بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم دون تعطيل ودون تمثيل ودون تحريف ودون تشبيه أنت على طريقة الجادة وعلى طريقة نبيك عليه الصلاة والسلام وسلفك الصالح رضو الله عليه. فإن الله عز وجل كنت يكوى ولا السفغانة ذو الله سبحانه وتعالى يكو لا السفغانة ذو الله سبحانه وتعالى إلي إنيك يكو برسون نبو فار سكو نبو فار كالله سبحانه وتعالى إن يكا الله سبحانه وتعالى كي لفي يكو تلو رزرف لكولتكسيبمون Et tu lui reconnais les noms et les attributs qu'il s'est attribué lui-même, que lui a attribué son messager, sans faire la négation des attributs, sans faire donner des fausses interprétations, sans chercher des similitudes à Allah Azza wa Jal dans les créatures, et sans lui donner des exemples aux attributs d'Allah Azza wa Jal, tu es sur la voie de ton prophète, et sur la voie de tes plusieurs droits, Allah alayhi. فنثبت لله سبحانه وتعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسول الله صلى الله عليه وسلم مع تنزيه عز وجل أن يشابه شيئا من مخلوقاته أو أن يشابهه شيئا من مخلوقاته سبحانه وتعالى Nous confirmons à Allah سبحانه وتعالى ce qu'il s'est confirmé lui-même et ce qu'il s'est donné lui-même comme attribut et comme nom comme nous lui confirmons aussi ce que les attributs que le Rasoul صلى الله عليه وسلم lui a donné Hein? N'essayons pas de s'immiscer dans le comment de ses attributs et en ayant dans notre esprit que tout ce qui peut passer à notre esprit vis-à-vis d'Allah, Azzawajal, vis-à-vis de ses attributs, et Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus d'eux. Et qu'il n'y a aucune diminution dans les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est donné. Et il n'y a aucune diminution dans les attributs qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a donné à Allah, Azzawajal. Tous ces attributs donné par Allah à lui-même, que Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué, que lui a attribué son messager alayhi salam, sont parfaits. Un parfait qui n'est ni début ni de fin, et qui est le fait d'être parfait au sens large du terme. فالذي نريد أن نخلص إليه في باب أسماء الله وصفاته أن أسماء الله وصفات الله لها معاني تعرفها العرب. وأننا يجب أن نفهم أسماء الله وصفاته كما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضوان الله عليهم. فكلمة سميع هل تعني أنه بصير؟ وكلمة بصير هل تعني أنه عليم؟ فكل اسم من أسماء الله وكل صفة من صفات الله سبحانه وتعالى لها معنى خاص بها. فلا يمكن أن يفهم الإنسان أن السمع هو البصر والبصر هو العين هذا لا يقبله عقل donc va arriver frère en Allah عز وجل que les noms et les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ont un sens que comprenaient les arabes qui est connu dans la langue des arabes et dans la langue dans laquelle Allah سبحانه وتعالى a révélé ce Coran et dans la langue du dernier des messagers عليه الصلاة والسلام est-ce que il t'arrive à l'esprit de comprendre que Être Samir, c'est la même chose que être Basir. C'est-à-dire être quelqu'un qui voit est la même chose que quelqu'un qui entend. C'est impossible. La même chose pour le Basir, celui qui voit, ça ne veut pas dire Alim. Les deux termes ont une signification identique. Non pas une signification identique. Chacun a sa signification dans la langue des Arabes. Et donc nous devons prendre cette signification comme il est dans la langue des Arabes comme l'a compris Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les compagnons et les plusieurs d'Allah alim qui ont marché sur la voie des compagnons ridwanullah alayhim. Fa, lui a son sens dans la langue, l'a vu a son sens dans la langue, et on les connaît leurs définitions, donc on les prend telles quelles. Et on ne cherche pas. La seule chose qui nous est interdite, c'est de chercher le comment de ces attributs. Et on s'arrête là. فاليد ليس هو معناها الرحمة وليست معناها القوة فاليد يد والقوة قوة والرحمة رحمة Donc la main, ça ne veut pas dire rahma, ça ne veut pas dire la clémence, ça veut dire la main. Et la main, ça ne veut pas dire la puissance non plus. Ça veut dire la main. La puissance, c'est une signification dans la langue. La clémence, rahma, c'est une signification. Comme la main, c'est une signification. Et nous devons reconnaître ces significations telles qu'elles sont dans la langue, hein, du prophète alayhi salam, et comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a pris, comme les compagnons l'ont pris, sans chercher le comment. Hein. Il dit, « Ja Allah, wa ja Rabbuka » Là, pour lui, « Wa ja at rahmatu Rabbika » Alors, Allah, il dit, « Allah, il vient. » Adano, il te dit, c'est la clémence d'Allah qui arrive. « La yakha l'islam. » Ici, tu confirmes à Allah subhanahu wa ta'ala le magie. Hein? Tu lui confirmes qu'il vient. Hein? Comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a confirmé à Allah subhanahu wa ta'ala la descente au tiers de la nuit, tu confirmes tel quel. Nuzul, ce n'est pas l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui descend seulement au dernier tiers de la nuit. L'ordre d'Allah, il descend à tout moment. La clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala descend à tout moment. Ce n'est pas tout simplement au dernier tiers de la nuit. Hein? Donc, nous devons confirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est donné lui-même, ce qu'il lui a donné son prophète alayhi salatu wassalam. Fayajibu alayna an nuthbita as-sifat itbatan haqiqiyan itbat ma'na as-sifat kama tabata fi kalam ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa fi kalam Allah kama athbathahu as-sahabatu radhiyallahu alayhim. Il faut que nous confirmions les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une confirmation réelle et dans leur sens réel, comme l'a fait Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont fait les compagnons et comme l'ont fait ceux qui y ont suivi les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam. On confirme la signification de ces attributs dans la langue telle que les compagnons l'ont fait. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله لذلك الرجل الذي أتى وكأنه يريد أن يحرجه في المجلس وسأله عن الاستواء فقال له الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول وغير معقول والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدع فأمر به فأخرج من الباب. Donc pour ça, c'est ce qui a poussé l'imam Malik rahmatullah alayh. Au moment où un homme est venu lui poser une question, comme si cet homme voulait gêner l'imam Malik rahimahullah dans son assise, il lui a dit l'istiwa. Il lui posait des questions sur le siwa, mais il ne posait pas la question sur la signification. Pour cela, voir la définition en langue arabe de l'istiwa. Il posait des questions sur le comment de l'istiwa. Et l'imam Malik a baissé la tête et la sueur froide est tombée sur lui, un laps de temps, parce que la question était énorme. Poser la question sur les attributs d'Allah, comment sont les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ceci est une situation énorme. Et quand il a levé la tête, il a dit, l'istiwa, l'élévation, elle est connue dans la langue arabe, sa signification. Mais le comment, il est ignoré et les raisons humaines ne peuvent pas le capter. Et je vois que tu es un innovateur, et il a donné l'ordre, ils l'ont sorti de la mosquée. Pour ne pas perturber, avec ses ambiguïtés, l'assemblée qui était là. Parce que poser des questions sur le comment des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est une voie de l'innovation. Et c'est ce qui a fait perdre beaucoup de cette communauté. Le GMI, il est perdu. Pourquoi? Parce que justement, quand il entend que Allah subhanahu wa ta'ala parle, il dit non. Il ne reconnaît pas que la parole de Allah subhanahu wa ta'ala est la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que pour lui, dans sa tête, il s'est imaginé un mouvement. Il s'est imaginé le mouvement des lèvres. Pour parler, il faut qu'une lèvre tombe sur une autre lèvre. Hein? Et comme il se voit lui comment il parle, il a dit non, la parole c'est un mouvement de lèvres, etc. Et donc il a cherché la similitude chez l'être humain et il a plaqué, hein, l'attribut de la parole d'Allah Azza wa Jal. Et il a nié comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala a parlé. Et beaucoup d'attributs comme ça, ceux qui ont fait la négation se sont imaginés des choses, hein, sur Allah Azza wa Jal, et ils lui ont fait des similitudes dans ces créatures, c'est pour ça qu'ils ont fait la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ça, le comment amène à un problème énorme. amène à une perturbation de l'esprit et peut-être ça va amener la personne à faire la négation des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa Rabbuna istawa 'ala al-'arsh, istiwa yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi. ولذلك ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته الله فوق كل شيء ومحيط به وذكر قول الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم والله بكل شيء محيط للبسيون الله سبحانه وتعالى et comme il sied à la grandeur de Allah سبحانه وتعالى le comment on ne sait pas. Mais l'élévation, l'istiwa, il est connu, sa signification en langue arabe, c'est l'élévation, être au-dessus de tout. Donc cette élévation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, on n'a pas à chercher le comment. On ne peut pas le savoir, c'est impossible. Et c'était un point qui nous était essentiel dans notre religion, une crainte. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous aurait donné les points à retenir. Ou là, si on devait savoir le comment, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'aurait transmis. Mais comme Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas transmis, ça veut dire que ne pas poser des questions sur le comment, c'est ça que veut donner notre religion. Qu'on ne pose pas des questions sur le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que nous devons nous arrêter là où les compagnons de Mohammed alayhi wa sallam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam s'est arrêté, n'a pas posé cette question, et les compagnons non plus ne se sont pas posé cette question. C'est pour ça que l'imam Tahawa, rahmatullah alayhi, dont le livre de l'Aqidah de Tahawiyah, il dit Allah est au-dessus de tout, il cerne tout. Au-dessus de tout, il cerne tout, il sait tout ce qui se passe. Il n'y a rien qui lui échappe. Et comme il est dit aussi, en parlant des anges, il cite un autre verset, ils craignent Allah au-dessus d'eux. Allah Azza wa Jal, فوق كل مخلوقات ومحيط بجميع مخلوقاته Azza wa Jal. وإذا أردت أن تعرف قدر ربك عز وجل كما يليق بعظمته فعليك أن تستشعر وأن تساجد لله سبحانه وتعالى وأن تواضع جبهتك على الأرض أن السماوات السبع محيطة بك وأن كرسي رب العزة وسع السماوات والأرض وأن العرش أكبر من ذلك وأن الله سبحانه وتعالى فوق هذا كله وأكبر من هذا كله ومحيط بهذا كله فهذا الشعور سيجعلك تعظم الله أحسن التعظيم وأجل التعظيم وعندها ستستصغر نفسك وتعلم أنك حلقة ملقاة في فلات وتعلم فقرك وضعفك أمام الخالق عز وجل. Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de toutes ses créatures. Et il sait tout d'eux. Rien ne lui échappe. Et si tu veux connaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu veux reconnaître la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il sied à la majesté d'Allah Azza wa Jal, il faut que tu sens, quand tu es en prosternation, que tu sens au moment où tu as posé ta face pour Allah Azza wa Jal, sur terre, que cette terre sur laquelle tu es, c'est la fin de cette terre. Et que tu es sur cette terre qui entoure les sept terres. C'est la septième qui entoure les six autres. Et qu'au-dessus de toi, il y a six cieux, sept cieux qui entourent tout ça. Et qu'au-dessus de tout ça, il y a le piédestal qui est le coursier qui entoure tout ça. Et au-dessus de tout ça, il y a le trône géant d'Allah Azza wa Jal. Il est beaucoup plus grand que tout ça. Et au-dessus de tout ça, il y a Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, si tu as ce sentiment, tu vas sentir la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui va te pousser à mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas reconnaître comme il se doit la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa puissance. Et dans ce cas-là, tu vas te sentir tout petit devant ton Créateur, Azza wa Jal. Il va te sentir comme un anneau jeté dans le désert. C'est quoi un anneau jeté dans le désert? Un petit anneau jeté dans le désert. Et tu vas connaître ta faiblesse, ton incapacité, et ta pauvreté, et ton grand besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَا نَحْنُ إِلَّا مَخْلُوقَ الضَّعِيفَ نَحْنُ دُعَفَا والله عز وجل يقول وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. Donc, nous autres pauvres créatures, nous sommes rien. Nous sommes des pauvres petites créatures qui ne pouvons rien pour nous-mêmes déjà. Hein? Nous sommes faibles. Notre faiblesse est énorme. Hein? Il est dit dans le verset, Allah a créé l'être humain faible. Il est dit dans l'autre verset, ô gens, vous êtes pauvres. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes pauvres et vous avez besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le riche et le loué. Hein? نعم نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى وتوحيدنا لله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بمعرفة ربنا عز وجل ومعرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وكذلك أن نعرف الأسماء وأن نتعبد لله بالأسماء. لا يكفي أن تعرف أنه سميع عليم، أن تتعبد الله بإسمائه. أن الله عز وجل سخت نسون فابل دبون الله سبحانه وتعالى. إنو زابون بزوان د الله سبحانه وتعالى. إنو تخمونو تيسم نسوغى أتر بارفي كون كونيسون نتر سوفران كوم إل سودوا. إي كون برونون كوم سول دين دتر أدوري الله سبحانه وتعالى. إي دو كونيتر نو سوفران بار سي نوم إي بار سي أتريبيو. Et aussi d'adorer Allah avec ses noms. Ça ne suffit pas de connaître les attributs d'Allah, c'est de les mettre en application. Quand tu sais qu'Allah, il est Samir, il t'entend, tu ne dois pas dire n'importe quoi et faire entendre Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il n'aime pas entendre de toi. Quand tu sais qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est Basir, il voit tout. Tu ne dois pas être dans une place où Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que tu, où que tu sois. Tu ne dois pas être dans cette place que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas que tu y sois. Quand tu sais que Allah subhanahu wa ta'ala il est alim, ne pas faire n'importe quoi parce qu'il sait tout. Hein? Donc, il faut, en connaissant les noms, ce n'est pas tout simplement connaître leur signification, mais voir. Il faut qu'ils aient un impact sur nous. On sait que Allah est Samir, on débite n'importe quoi et on dit n'importe quoi. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala est alim, on fait n'importe quoi. On sait que Allah subhanahu wa ta'ala est basir, on traîne là où Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas, où il est interdit pour nous d'être. Donc dans ce cas-là, est-ce que nous avons mis en application, est-ce que ces trois noms que j'ai cités, là, est-ce qu'ils ont eu un impact en agissant ainsi, est-ce qu'ils ont eu un impact dans notre vie? On reconnaît Allah subhanahu wa ta'ala la puissance et la capacité et on est en train de fracasser quelqu'un. On sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut te fracasser aussi. Hein? N'importe quelle petite chose. Et, hein? Est-ce que dans ces cas-là, on a mis en application cette puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et cet attribut qui est la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et la capacité. Donc ça ne suffit pas. D'où sur certaines chaînes de télé, etc., tu les entends avec leur bendir, avec leur barbe, etc. Allahu Sami'u al-Alim al-Hafidu. Du pipeau, du vent. Du vent. Et si j'ai un achid avec synchronisé, Ya Sami'u, Ya Alim, du vent, du pipeau. C'est pas pour ça que les noms. Hein, c'est pas pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé de donner ces noms. C'est pas ça. Mémoriser les noms d'Allah, c'est les mémoriser et les mettre en application et non pas les chanter avec des mélodies. Si c'était ça, c'est facile. Hein? N'importe quelle ville, il va le faire. Il sait le faire. Les pervers savent le faire. Parmi les chanteurs, il n'y a que des pervers. Ils le font très bien et ils ont des belles voix. Mais est-ce que ça va leur servir, le fait de chanter les noms d'Allah comme ça? Rien du tout. Plutôt, ils doivent rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala, d'agir ainsi avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا ننتقل إلى الأمر المهم والقضية الأم في هذا الدين وهي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة ونكتفي بأمر واحد وهي الشرك في العبادة في الدعاء وهي الشرك في الدعاء Et maintenant, après les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous passons à l'essentiel du message et de la da'wah des prophètes alayhi salatu wassalam, qui est le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons nous arrêter sur un point qui est très important, qui est le fait de tomber dans l'associationnisme au niveau du dua et de demander à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu azza wa jal, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, et Allah, les sublimes noms, demandez-lui avec ces sublimes noms. فَمَا مَعْنَا إِفْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَةِ فَهُوَ مَعْنَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ أَيْ لَا مَعْبُودَ بِحَقٍ إِلَّا اللَّهِ سبحانه وتعالى وَكُلُّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَبِبَاطِلٍ عُبِدْ وَهَلْ هُنَاكَ آلِهَةٌ تُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ نعم أخ الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها هناك آلهة تعبد من دون الله عز وجل ومع الله عز وجل لكن هل هي حق؟ هذه الآلهة كلها باطلة ولعل قائلا يقول ولو كانت هذه الآلهة في الأصل محبوبة عند الله ومرضية فأنا الله عز وجل Qu'est-ce que ça veut dire maintenant le fait de réserver le culte exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la signification de la ilaha illallah. Que tu attestes tous les jours. Combien de fois tu répètes Nidin dit adorik Allah, la ilaha illallah. Combien de fois tu le répètes avec le mu'addin? Combien de fois tu le répètes dans tes invocations du matin et du soir, dans tes tashahhud, dans la prière? Combien de fois tu le répètes? Nidin dit adorik Allah, azza wa jal. C'est Allah seul qui mérite l'adoration. Tout ce qui s'adore en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est faux. Hein? Il ne mérite pas l'adoration. Hein? Est-ce que maintenant il y a des divinités qui s'adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala? Certes, frère en Allah, Zawajal, il existe. Et quand je jette ton regard vers l'est et l'ouest de la planète, vers le nord et le sud, à travers le monde musulman et à travers le monde de la mécréance, pour que tu te rends compte qu'on adore autre qu'Allah, sinon dans certains cas, on adore Allah et avec autre chose. Mais ce qui s'adore en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, est-ce que c'est la vérité? Il est évident que ces divinités qui s'adorent sont nulles. Et leur adoration est nulle. Et peut-être que quelqu'un dit, même si ces divinités, ce que adorent les gens, sont agréés, sont aimés min Allah subhanahu wa ta'ala, même si ces divinités sont agréées min Allah azza wa jal. وَلَوْ كَانَ مَا يَعْبُدُهُ النَّاسِ مَحْبُوبًا عِنْدَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مَرْضِيًا عَنْهُ فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى بِعِبَادَةِ النَّاسِ لَهُ فَضْلًا عَنْ يَدْعُوهُ أَنْ يَدْعُوهُمْ إِلَى عِبَادَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَعِيسَى لَا يَرْضَى بِعِبَادَةِ الْمَسِيحِيِّينَ لَهُ والعزيز لا يرضى بعبادتي اليهود له وما يسمونه بالصالحين إن كانوا كذلك فلا يرضون بعبادة الناس لهم لا يمكن إن كانوا صالحين حقا فلا يرضون بعبادة الناس لهم donc même si ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala est aimé من الله سبحانه وتعالى cette personne qui est aimée min Allah subhanahu wa ta'ala n'agrée pas l'adoration que lui vaut les gens. Et encore moins, il ne va pas les appeler vers le fait de lui réserver le culte. Isa n'a jamais appelé les juifs ni les chrétiens à l'adorer. Le Uzel, de même, il n'a pas appelé les juifs à l'adorer. Il n'agrée pas le culte que lui vaut les juifs. Et Isa non plus n'agrée pas le culte que lui vaut Hada, les chrétiens. Et ces gens qu'on appelle salihin à travers le monde musulman, s'ils étaient des véridiques vertueux et pieux, ils n'agréent pas ce que font les gens autour de leur tombe. Et encore moins, ils n'ont pas appelé les gens à les adorer. Parce que s'ils étaient des réels vertueux, ça veut dire que c'est des muttaqoun. Et le muttaqi préserve les droits d'Allah. Il s'abstient des interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et fait partie des interdictions, c'est que de ne pas donner le culte à autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment ce muttaqi, ce vertueux muttaqi, va appeler les gens à l'adorer, alors qu'il sait que c'est l'une des plus grandes, le plus grand mal, la plus grande injustice qu'on commet vis-à-vis d'Allah, azza wa jal. وعندنا آية جامعة مانعة اجبوا أن تحفظوها وأن تفهموها يقول فيها رب العزة إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم فهذه آية جامعة مانعة لكل من يدعي أنه يعبد شيئا غير الله سبحانه وتعالى. C'est un verset maintenant qui englobe tout, qui est une réponse que nous devons apprendre et comprendre selon la compréhension de le plusieurs d'Allah alayhim. Il est dit dans ce verset, quand vous leur demandez, ils ne vous entendent pas, ils n'entendent pas votre dua. Et même s'ils l'entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont mécroire au l'associationnisme que vous avez fait ou le fait de les avoir associés à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un verset que nous devons mettre en application et le comprendre comme l'ont compris nos puisères d'Allah alim, et le propager autour de nous. Parce que si vous leur demandez, dua, c'est l'adoration. Si vous leur demandez, ils ne vous entendent pas. Ils n'entendent pas votre dua. Et même s'ils l'entendaient, ils ne pourraient pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont vous désavouer et l'associationnisme que vous avez fait, hein, le « et », ils vont désavouer le fait de les avoir pris comme associés à Allah, Azza wa Jal. « فَكُلُّ مَنْ يَدْعُوْ غَيْرَ مُحَمَّدٍ مَنْ يَدْعُوْ مُحَمَّدًا صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَدُعَاؤُهُ بَاطِلٌ » هلك يوجد من يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم؟ أنت ترى الجفري وهذا ملمع يرى بالتوسل به محمد عليه الصلاة والسلام. تلم سماني مرشد رحمه الله مرشد من أكبر مرشد الجماعة الإخوة المسلمين في كتابي يرى أن الإنسان له أن يتوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم وأن يدعو الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه رؤوس أخ الإسلام رؤوس هذه لها أتباع وترمي بسمها هكذا بعلم أو بغير علم بسمها هكذا ترمي الناس في قضية دعاء غير الله سبحانه وتعالى. Ceux qui demandent à Mohammed عليه الصلاة والسلام directement, il y a des gens, tu crois pas qu'il y a, il y a des gens qui demandent directement à Mohammed عليه الصلاة والسلام et d'autres qui le prennent comme intermédiaire. Tu prends par exemple quelqu'un comme Jufri, l'une des figures des médias, l'une des grandes figures du sophisme et des adorateurs des tombes. Hein? Clairement, il appelle au fait de demander au prophète alayhi salatu salam et le fait de prendre comme intermédiaire salihin. Clairement, il appelle vers l'adoration des tombes. Et il a des adeptes à travers le monde musulman. Hein? L'une des grandes figures d'Al Ikhwan qui est mort, rahimahullah, Talem Samani, qui a été l'un des guides de ce groupe. Dans un de ses livres, il dit, il n'y a pas de problème, je ne vois pas la différence entre le fait de chercher, de demander à Mohammed alayhi salam le pardon, qu'il intercède pour qu'on soit pardonné chez Allah, et le fait de lui demander une fois qu'il est mort. Ça, ce sont des têtes, je te cite que ceux de là, parce que ça draine du monde. Imagine un petit peu cette idée qui est inculquée à une grande masse de la population. في كذلك من يطلب المدد من الحسن والحسين ومن يعبدهم من دون الله عز وجل. Il se trouve aussi dans la communauté ceux qui demandent à Al-Hassan et Al-Hussein, les petits enfants de Mohammed alayhi sallam, radiyallahu anhu, voilà. Et ceux qui demandent un zindiq, le Badawi, l'aïdan billah. Et c'est un zindiq en plus. C'est même pas un musulman, c'est un zindiq. Enterré en Égypte. هذا البدوي. Et le moussem dit le Badawi est énorme. Des fois, les esplanades autour de ces sanctuaires ressemblent aux esplanades que tu as à Arafat, etc. Avec des tentes, avec Ivazinda. Et les gens voyagent vers ces lieux pendant 7 jours, 8 jours. Ils invoquent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils égorgent pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ils demandent des choses à ces morts que ne peut donner qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Faites de donner les enfants, de faire réussir les examens, de marier la fille, marier le garçon, et ainsi de suite. Tout ça, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Mais les gens le demandent à autre qu'Allah, à des morts. ولو كان هؤلاء مرضيون عند الله سبحانه وتعالى فإنهم غافلون عن عبادة من يعبدهم ويتبرؤون منهم يوم القيامة. Et même si ces gens-là, parmi ces gens-là qui sont intérêts, sont agréés min Allah, étaient des vertueux et des gens agréés min Allah Azza wa Jal, aimés min Allah Azza wa Jal, ben ils disent à vous ces actes d'adoration que les gens leur vouent. Et le jour de la résurrection, ils vont les désavouer au loin. Suhqan, suhqan, bu'dan, bu'dan. Au loin, éloignez-vous de nous. Hein? Votre culte, vous deviez le réserver à Allah. Et non pas venir à côté de notre tombe et égorger pour nous et nous demander à nous. Hein? Et ils ne les entendent pas, comme le verset qui est passé. Ils ne vous entendent pas. Et même s'ils avaient, ils vous ont entendu, ils ne pourraient pas vous répondre. Et le jour de la résurrection, ils vont vous désavouer. فدعاء غير الله شرك بالله عز وجل وربنا يقول وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحد de demander à autre qu'Allah عز وجل c'est de l'associationnisme. Il est dit dans le verset, certes les mosquées sont à Allah, et ne demander à qui que ce soit qu'à Allah عز وجل. Il n'y a personne d'autre avec Allah عز وجل. فإذا عرفت الله أخ الإسلام فكيف تدعو غير الله عز وجل؟ فهذه القضية الكبرى التي كانت بين الرسل وأقوامهم أنهم يدعون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يقول عنهم الله سبحانه وتعالى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وهذه حجة باطلة حجة ضاحضة وباطلة. فإن الله عز وجل تواك يكون يا الله سبحانه وتعالى كمو تي بو دموندي ا كلكان دوتر كالله عز وجل سكو نو بو فير كالله عز وجل. اي سا سي تان غران بروبليم كون رونكونتري لي ميساجي افيك لور بوبل عليهم الصلاة والسلام. لور بوبل دموندي ا كلكان دوتر كالله. Demander à des choses ou là à des morts qui ne peuvent rien pour eux-mêmes, qui ne peuvent ramener ni le bien pour eux-mêmes, ni le mal, ni leur faire du mal, ni leur ramener un bien. Et il dit ça, ce sont ceux à qui on demande là, Lat, l'Uzza, Manat, Wad, Suwa, etc. C'est les intermédiaires auprès d'Allah. Et ça, c'est la dictée d'Yal Shaitan. Oui, vous, vous êtes rien, mais prenez ces vertueux qui étaient bien, alors vous les prenez comme intermédiaires pour vous rapprocher d'Allah. Et ça, nul et non, hein, il n'est pas accepté dans la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est dit dans le verset, nous les adorions que pour qu'ils nous rapprochent d'Allah, azza wa jal. Et ceci est une preuve qui n'est pas acceptée, nulle. C'est une preuve qui est nulle. Et qui n'est pas accepté. فَإِذَا عَرَفْتَ أَنْتَ اللَّهَ أَخَ الْإِسْلَامُ وَوَحَّدْتَهُ بِالْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ وَأَثْبَتَّ لِلَّهِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ كَمَا أَثْبَتَهَا سَلَفُكَ الصَّالِحِ رضوان الله عليهم وعرفت قدر الله عز وجل، هل يمكن أن تدعو غيره؟ كلا وألف كلا. فإن الله عز وجل كنت كوني الله سبحانه وتعالى كم يسدوا et que tu lui réserves le culte comme il se doit, tu lui reconnais l'unicité dans tous les domaines, au niveau de la souveraineté, au niveau de l'adoration, au niveau des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que tu lui confirmes les noms et les attributs tels qu'ils l'ont confirmé tes plusieurs d'Allah alayhim, est-ce que tu vas adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala? Par Allah que non. Si ta connaissance est authentique, et basé sur la voix du plusieurs de Allah alim, par Allah que jamais tu vas donner un acte d'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. ولذلكم قال اهل العلم واتباع السلف الصالح رضي الله عليهم لمن يحب الاولياء والصالحين احبوهم ولكن حبا شرعيا. Les hommes de science et ceux qui suivent la voix de leur plusieurs de Allah alim disent à ceux qui prétendent aimer les vertueux ou là les ont pu, etc. Aimez-les, c'est pas un problème d'aimer un croyant. Mais aimez-les avec un amour légiféré. Un amour qui est légiféré min Allah Azza wa Jal. Qui est le fait que le croyant doit aimer le croyant. Et surtout quand il sait que ce croyant a mis en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, accompli la sunna de son prophète alayhi salam, suit la voie des compagnons, etc. Il doit l'aimer. Mais un amour naturel. Pas un amour d'adoration, pas une vénération, un amour normal. Hein? Et le respecter, lui faire dua, et non pas lui demander quelque chose alors qu'il est dans la tombe. فليس كما يقول الجفري ومن نحى نحوه من صوفية وقبور أن السلفيين لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم وأن الوهابيين لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء لا يعرفون ما هي الوهابية. اسألهم ما هي الوهابية. الوهاب هذا اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الوهاب. ها؟ فحتى من يقول الوهابية ظانا أنه يطعن في الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه فهذا والله دخل العود في عينيه، لأنه ظن أنه يطعن وفي الحقيقة هذا مدح. تصف أحدا بأنه وهابي أي بأنه موحد بأن الله وهب له التوحيد، فهذا ليس بذم ولكنه مدح. ولا إن كان الوهب اتباع محمد عليه الصلاة والسلام فأقر بأنني وهابي. فإن الله عز وجل السلف رضو الله عليهم إلي صابون ديال السلف إدي جون دو لسنة يسو كي سون إنانيم سور لسنة aime le prophète alayhi salam, non pas comme le prétend Joufri et les adorateurs des tombes, comme quoi salafiyin si wahhabit n'aiment pas le prophète alayhi salam. Il l'aime encore plus qu'Ad le Qubouri. Il l'aime de l'amour qui est demandé par Allah, qui est légiféré. Et Ad le Joufri et ceux qui sont sur leur voie et qui sont contre la voie de l'authenticité, ils décrète cela comme quoi c'est du wahhabi. Wallah même. Et ils croient que c'est un terme diminutif. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Le wahhab, c'est un des noms d'Allah. Ils les appellent le wahhabiyou. Allah subhanahu wa ta'ala, s'ils sont wahhabis, c'est-à-dire monothéistes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a donné ce monothéisme. Et si le fait d'être wahhabi, c'est être quelqu'un qui suit Mohammed alayhi salatu wassalam, wallahi, je confirme que je suis wahhabi. C'est pour ça que l'un des rois du Maroc, Moulay Hafid, rahimahullah ta'ala, et avant lui, d'autres rois, on dit, quand il a su ce que c'est que la voix de Mohammed ibn Abdul Wahhab, et que c'est la voix de l'authenticité, il a dit, Ana, aqidati aqidatun wahhabiya, wa madhhabi madhhabul imam Malik. Il a dit, quand il a su la vérité de ce que c'est que l'Ouhabia, il a dit, moi, mes croyances sont des croyances de l'Ouhabi. Et ma voix, mon école de jurisprudence, est l'école de l'imam Malik. Rahimahullah ta'ala. الإخفاء. أتباع السلف رضوان الله عليهم يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم محبة شرعية، لأنه وعليكم السلام ورحمة الله، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن المبالغة في هذا الأمر، فقال لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فإنما أنا عبد الله ورسوله. ويقول عز وجل في حق نبينا قل إنما أنا بشر مثلكم. أي ميزتي عليكم ما هي؟ الوحي. ميزتي عليكم الوحي. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد لا إله إلا هو. Donc, les gens de la Sunna et ceux qui aiment et ceux qui suivent la voie de leur plaisir, d'Allah alayhim, aiment le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, mais d'un amour légiféré. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam interdisait le fait d'exagérer sur sa personnalité. Et il a dit, et le hadith il est authentique, n'exagérez pas sur ma situation. Comme l'ont fait les chrétiens pour Isa alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Mais dites tout simplement du prophète alayhi salatu wassalam qu'il est le serviteur d'Allah et son messager. Alayhi salatu wassalam. Je ne suis que serviteur d'Allah et son messager. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit dans le Coran concernant notre prophète alayhi salatu wassalam, dis-leur, certes, dis-leur ya Muhammad, certes, je ne suis qu'un être humain comme vous, mais je reçois la révélation. La seule différence que j'ai entre moi et vous, c'est que je reçois la révélation. Et il m'a été révélé que votre seul digne d'être adoré, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. وهنا يقول العلماء للذين يبالغون في وصف الرسول صلى الله عليه وسلم رويضا هونوا على أنفسكم لا تصفوه إلا بما هو واقع وتابت له عليه الصلاة والسلام. فتسمع لبعضهم يبدأ في وصفه عليه الصلاة والسلام يا أكحل العينين يا كذا يا كذا، وفي النهاية يا أول خلق الله يا نور عرش الله يا من بيده الدنيا وضرتها يا من بيده علم اللوح والقلم. وهذه مبالغات، مبالغات لا يرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الله عز وجل، c'est pour ça que les hommes de science disent à ceux qui exagèrent dans le fait de faire des louanges à Mohammed عليه الصلاة والسلام et de donner des caractéristiques à la personnalité de Mohammed alayhi salatu wassalam, attention, faites attention, n'exagérez pas. Ne dites que ce qui est valable vis-à-vis de votre prophète alayhi salatu wassalam. Et n'exagérez pas dans sa description. Parce que tu entends certains, ils commencent, ô toi qui avais les yeux noirs, ô toi qui as ça, et à la fin ils se terminent. Ô toi la première créature qu'Allah il a créée. Ô toi la lumière du trône d'Allah. Ô toi qui as entre ses mains les choses de ce bas-monde. Ce bas-monde et sa couille-pousse. C'est quoi la couille-pousse de ce bas-monde? C'est le delà. Est-ce que tu crois, toi, que Rasulullah tient entre ses mains ce bas-monde et le delà? Ça, c'est le domaine d'Allah. Ô toi qui as entre ses mains la science de la planche, c'est-à-dire ce qui est écrit, ce qui a été écrit avant, 50 000 ans avant la création du ciel et de la terre. Et ça, ce sont des exagérations. C'est exagéré sur la personnalité de Mohammed alayhi salatu wassalam. Fa Mohammed alayhi salatu wassalam laysa awwal khalqillah li'annahu awwal khalqillah min al-bashar huwa Adam. Wa kana qabla Adam makhluqat kathira. Bal an-nusus tadullu ala anna Iblis kana makhluqan qabla khalq Adam alayhi salatu wassalam. Wal mala'ikatu kadhalik. واختلف أهل العلم من أهل السنة والجماعة هل أول مخلوق هو العرش من القلم. اختلفوا في هذا فقط، بعضهم قال العرش قبل القلم وبعضهم قال القلم قبل العرش. وبعضهم والذين قالوا أن القلم قبل العرش قالوا لأن الله قال أكتب فكتب ما هو كائن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. Donc, frère Allah Azza wa Jal, Muhammad alayhi salatu salam, ce n'est pas la première créature d'Allah Azza wa Jal. La première créature d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi les humains, c'est Adam alayhi salatu salam. Et avant Adam, il y avait d'autres créatures avant Adam alayhi salatu salam. Les textes nous prouvent que Iblis existait avant Adam alayhi salatu salam. Et que les anges existaient avant Adam alayhi salatu salam. Les hommes de science ont une divergence sur qu'est-ce qui est le premier de la création. Est-ce que c'est là où ils ont une divergence? Est-ce que c'est les crayons ou le trône? Tout simplement. Certains ont dit le trône, il est avant le crayon. D'autres ont dit c'est le crayon qui est avant le trône. Là où réside leur divergence. Et ceux qui disent que c'est le crayon qui est le premier avant le trône, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé le crayon, il lui a dit « Écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps, et que le trône fait partie de ces choses qui devaient être. » Et là, c'est une divergence entre les grands hommes de science et qu'est-ce que ça nous ramène dans nos croyances. Où est le problème de savoir si c'est le... Rien. Nous n'avons même pas à nous en préoccuper. فَرَسُولُنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَيْسَ هُوَ أَوَّلُ خَلْقِ اللَّهِ وليس نور العرش وكما قال الشيخ عازي رحمه الله من مشايخ مصر إذا كان محمد هو نور عرش الله فهل كان عرشه مظلما قبل خلق محمد صلى الله عليه وسلم وهل بعد خلق محمد عليه الصلاة والسلام ساد الظلام على عرش الله فتعالى الله عن النقص وعن العجز الله عز وجل نطق بروفيت عليه الصلاة والسلام سوني با لا بروميير كرياتور لله. Ce n'est pas la lumière du trône d'Allah. Pour ça, Cheikh Razi, rahimahullah, l'un des savants d'Égypte, il a dit, si Muhammad alayhi salatu salam était la lumière du trône d'Allah, est-ce que avant la création de Muhammad alayhi salatu salam, son trône était dans les ténèbres? Avant la création, est-ce qu'il était dans les ténèbres? Maintenant aussi, est-ce qu'après la mort de Muhammad alayhi salatu salam, le trône d'Allah est dans les ténèbres? Donc, Allah est élevé au-dessus de ces diminutions que lui attribuent les gens. Chalbaqil Adam, combien reste pour l'Adam? 5. Voilà. فالله عز وجل مستوين على العرش وهو غنيون عن العرش ومن دون العرش ومن دون العرش فليس استواء ربنا على العرش حاجة إلى العرش وإنما استواء علو وقهر فالله فوق كل شيء ومحيط بكل شيء. الله عز وجل est élevé au-dessus de son trône. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du trône. Il n'a pas besoin d'autre chose que le trône. Rien du tout. Il a besoin de rien. Toutes les créatures ont besoin de lui. Lui, il a besoin de rien du tout. Et l'élévation de Allah subhanahu wa ta'ala au-dessus du trône, c'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin du trône, loin de là. Mais c'est une élévation de puissance. Et de majesté. Allah est au-dessus de tout et il cerne tout en même temps. Alaykoum salam. فَالَّذِينَ يَصِفُونَ الرَّسُولَ بِصِفَاتٍ غَرِيبَةٍ وَشَادَّةٍ نَقُولُ لَهُمَ الْحَذَرُ هُوَ قَالَ لَكُمْ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَا تُطْرُونِي معناه لا تُطْرُونِي الإطراء هو المبالغة. المبالغة في المدح والثناء. يعني لا تبالغوا في مدحي والطراء علي كما فعلت النصارى في المسيح فوصلوا في النهاية إلى أن جعلوا المسيح ابن الله وجعلوه ندا لله بل في النهاية قالوا هو الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا يقول عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. Donc ceux qui décrivent le prophète alayhi salatu salam avec des descriptions bizarres et marginales, les hommes de science leur disent faites attention à ce que vous dites, n'exagérez pas dans les éloges que vous faites à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui-même qui vous a donné l'ordre de ne pas exagérer dans les éloges que vous lui faites. Et n'exagérez pas dans vos éloges comme l'ont fait les chrétiens de Isa alayhi salatu salam. Et les chrétiens, cette exagération dans les éloges les a amenés à quoi? à faire de lui qui soit l'enfant d'Allah, et à faire de lui qu'il est l'équivalent d'Allah, et à la fin à dire qu'il est Allah directement. Le fait d'avoir exagéré, à lui attribuer des choses, hein, qui sont à Allah Azza wa Jal, et des attributs qu'on doit attribuer à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est les amener finalement à le diviniser et à le prendre comme Dieu. Hein? Et il est dit d'eux, ils ont mécru ceux qui ont dit qu'Allah c'est le Messie. Fa'ali le Messie yarda an yu'bada min dunillah. Non, est-ce que Isa alayhi salatu wassalam agrée qu'on adore en dehors d'Allah? Bah Allah que non. Wa rabbuna yaqul a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahayn min dunillah. Il est dit dans le verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à Isa alayhi salatu wassalam, dira, est-ce que c'est toi qui as dit aux gens de te prendre, toi et ta mère, comme divinité en dehors d'Allah? Et Jibou Isa alayhi salam qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Et Isa alayhi salam de répondre, gloire à toi ô Allah, il ne m'appartenait pas de dire quelque chose qui n'est pas vrai et qui n'est pas véridique. وهل للعبد المخلوق ان يقول للناس اعبدوا الله اعبدوني من دون الله. Maintenant une créature, un être humain, est-ce qu'il a le droit de dire aux gens adorez-moi en dehors d'Allah? وربنا يقول ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكمه والنبوه ويقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين. Il dit dans le verset, il n'appartient pas à un être humain à qui Allah subhanahu wa ta'ala a donné le livre et l'hikma ainsi que la prophétie de dire aux gens soyez mes serviteurs en dehors d'Allah, mais il doit leur dire réservez votre culte à Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous allons arrêter là inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بارك الله فيكم أحسن الله لكم وجزاكم الله خيرا.